En attendant qu'Éric revienne, je voudrais premièrement vous présenter les excuses de Francis Démier qui étaient prévues dans le programme. Il avait été mis heureusement sous réserve, mais qui est entre guillemets réquisitionné depuis ce matin jusqu'au 3 ou 4 juillet pour des jurys d'oraux HEC, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, ceci étant dit, nous avons conçu cette première table ronde, Éric et moi, sous forme de 4 thématiques que nous avons proposées aux différents participants, en espérant que cela sera non pas... Enfin, en espérant, nous nous sommes mis d'accord plutôt pour dire qu'il ne s'agissait pas de faire des topos, mais à partir de chacune des thématiques proposées, eh bien, chacun des participants à cette table ronde pourra donner son point de vue, tant sur un plan, disons, épistémologique au sens plus large du terme, que du point de vue de leur ancrage professionnel et ou disciplinaire. Donc, ce qui permet, je crois, d'envisager une table ronde très réactive et dynamique plutôt que de faire des exposés les uns après les autres. Voilà. Alors, le premier thème que nous avons proposé est une question, nous semble être une question de fond, à savoir légitimité au singulier et ou légitimité au pluriel. Autrement dit, de quoi parle-t-on ? Quelles peuvent être les sources et les ressources de cette ou de ces légitimités? Je vais juste donner quelques éléments pour lancer le débat. De façon générale, il nous a semblé qu'il fallait s'arrêter de façon assez sérieuse sur le terme même. Dans la mesure où, globalement, la plupart des disciplines en parle comme si le sens du mot légitimité était univoque, il était évident. Et généralement, dans bien des cas, on n'a pas une idée précise des critères qui sont retenus pour décider de façon rigoureuse de ce qui est légitime ou pas. En réalité, il y a très souvent un va-et-vient dans les conceptions qui se dégagent. Il y a un va-et-vient constant entre les niveaux analytiques, normatifs et prescriptifs, et ceci concerne finalement la plupart des travaux autour de la ou les légitimités. Juste deux exemples, et puis les unes et les autres s'exprimeront là-dessus. Ainsi, le dictionnaire des notions philosophiques, qui a été édité en 1990, indique que la légitimité renvoie, je cite, à la qualité de ce qui est conforme non seulement aux lois, mais aussi à la morale et à la raison. Pour sa part, le grand Robert de la langue française n'est pas plus explicite. Pour le grand Robert, est légitime ce qui est juste, équitable et raisonnable. Donc à partir de là, voyant un peu toutes nos interrogations et la perplexité que cela peut engendrer, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend les uns et les autres par légitimité, qu'est-ce que cela signifie dans nos différentes disciplines et dans nos différents secteurs ou ancrages professionnels, donc je laisse la parole aux différents intervenants. Éric, tu avais envisagé, je crois, enfin nous en avions parlé, un peu un timing. Oui, alors comme le timing a été un petit peu bousculé par le retard de ce matin, et qu'il y a, on aimerait exploiter les 4 thèmes qui vous avaient été proposés, on restera à peu près sur l'idée d'un quart d'heure par thématique, hein, à peu près. Voilà. Donc on peut partir sur un premier quart d'heure, une première tranche de quart d'heure sur cette... Tous intervenants confondus. Tous intervenants confondus, tout à fait. Voilà. J'étais absent de 20 secondes, mais je pense que vous n'avez pas, on ne vous a pas présenté. Hein, je pense que c'est quand même la moindre des choses de le faire. Madame Nadia Sali, alors je pars à côté de, voilà, à côté d'André, vous êtes donc responsable de, une des responsables au niveau confédéral de la CGT, vous êtes copilote du collectif confédéral politique industrielle développement humain durable, ce sera certainement intéressant que vous nous rappeliez l'approche CGT du développement humain durable et du numérique. Madame Marie-Lie Kozouf-Marinier, vous êtes historienne et géographe, vous êtes directrice à l'École des hautes études en sciences sociales, UMR Géographicité. Monsieur Vanik Berberian, vous êtes maire de Gergilès-Dampierre, président de l'Association des maires ruraux de France. Et monsieur Jean-Pierre Thibault, vous êtes inspecteur général, conseiller général de l'environnement et du développement durable. Voilà, merci à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. Et je crois que votre diversité démontre aussi dans notre volonté de table ronde d'ouverture l'idée aussi de l'échange, du débat, peut-être de la confrontation des idées. Ce n'est pas un gros mot. Très bien. Ben, qui veut commencer? Essayez. Allez. Bonjour. Oui, par rapport aux questions qui ont été évoquées, notamment sur les définitions de ce que peut être la légitimité, par rapport aux syndicats, de manière globale, c'est vrai que les syndicats, par la loi, ont acquis une légitimité depuis 1884. Et au fil du temps, et notamment très récemment par rapport à la loi de représentativité en 2008, une modification est apportée qui tend à mesurer la représentativité de chaque syndicat et du coup de rendre encore plus légitime un syndicat par rapport à un autre, etc. Alors pour la CGT, effectivement, la loi apporte un degré de légitimité. Pour autant, cette légitimité, pour nous, elle est plus large que cela, puisque on veut lier notre légitimité syndicale dans le monde du travail, mais aussi dans la société, à nos adhésions, au nombre d'adhérents, puisque pour nous, le fait d'évoquer des revendications, des axes de développement pour la société est légitime si nous avons beaucoup d'adhérents et pas être le fruit de quelques réflexions de quelques-uns. Et un troisième axe pour nous de légitimité par rapport à notre organisation syndicale, c'est le fait de la proximité avec les attentes des salariés, mais aussi des citoyens, puisque on en reviendra peut-être plus tard dans les autres questions, sur les liens qu'on a de plus en plus avec les organisations en dehors du monde du travail. Et puis, pour terminer, pour donner la parole, puis soit rapide, effectivement, pour la CGT, il y a la légitimité politique, légitimité syndicale, légitimité citoyenne. Et aucune ne doit exclure les unes ou les autres sur la manière dont on doit décider ensemble. C'est toute une question qui est abordée, et notamment, c'est un lien avec ce que peut être la démocratie, c'est abordé à l'introduction. Voilà. Oui, on continue. Non, je ne vais pas avoir besoin de micro, je pense que tout le monde va pouvoir m'entendre. Moi, je voudrais réagir par rapport aux définitions des dictionnaires qui nous sont proposés, dont on voit bien qu'elles sont très polysémiques, mais je dirais que il me semble qu'elles ne peuvent que l'être, polysémiques. Et j'aurais tendance à rajouter un peu de peut-être de complexité ou de flou en disant que ce qui m'est apparu et ce qui m'est apparu aussi dans une perspective historique, c'est que il y avait une légitimité qui tenait au statut de celui qui agit ou qui parle. Je pense que cette question de la position, du statut, qu'il s'agisse d'une position sociale ou d'une position professionnelle ou autre, est déjà elle-même un vecteur ou non de légitimité. Il y a une légitimité d'action, donc on est légitime pour faire telle chose ou faire telle autre chose. Et puis enfin, il y a une légitimité d'argumentation qui fait que on va produire un discours qui va donc servir à légitimer quelque chose. Et ces différents registres de légitimité ou de légitimation, hein, je pense que quand on est du côté du statut, on va peut-être être du côté de la nature des choses, donc on va parler de légitimité, mais quand on est dans la revendication ou quand on est donc dans l'argumentaire, on va être plutôt du côté du processus et de la légitimation. Voilà, et la dernière remarque que je ferai, c'est pour insister sur quel est finalement le cadre de légitimité. Donc les sciences politiques ou la sociologie politique ont souvent mobilisé la notion de référentiel, hein, pour indiquer qu'il y a un ensemble de croyances, de convictions, de propositions scientifiques qui font l'objet à un moment donné d'un consensus et qui s'imposent donc dans la conduite de l'action. Ce référentiel, il va pouvoir évoluer. Bon, par exemple, pour le développement durable, on peut très bien suivre la genèse, l'apparition de ce nouveau référentiel comme, en effet, vecteur de légitimité, mais il n'existait pas auparavant. Et donc, tout cela, c'est pour indiquer que je pense que la légitimité, c'est pas du tout quelque chose de statique, d'éternel, et que c'est quelque chose qui se construit dans le temps et en fonction de conflits, de réajustements. C'est quelque chose en perpétuelle dynamique, ce qui rend aussi parfois difficile son analyse. Oui, bonjour, merci de votre invitation et merci de votre présence tous. C'est un sujet vraiment passionnant, et puis pour un élu alors, de la France d'en bas, hein, pour reprendre une formulation qui rappelle celle de votre colloque, la légitimité, c'est vraiment un sujet qui est prégnant dès lors qu'on exerce des responsabilités, et qui plus est, quand les responsabilités sont des responsabilités d'ordre public, hein, qu'elles touchent donc à la vie quotidienne des gens. Moi, j'aurais envie de rajouter aux définitions qui viennent d'être présentées comme source, hein, de ce qui pourrait déterminer, enfin constituer la légitimité, c'est celui de la compétence. Parce que c'est vrai que il y a le statut, vous l'avez évoqué, hein, qui donne du poids donc à celui qui expose une idée, mais au-delà de son grade, au-delà de son statut, au-delà de ce qu'il représente, il y a qui il est. Et c'est étonnant de voir comment une même phrase peut être entendue selon l'émetteur de la phrase, la même phrase. Donc ça veut bien dire que cette légitimité, elle se construit, comme vous l'avez dit, hein, au fur et à mesure de l'expérience, et c'est ce qui rend effectivement le sujet difficile, parce que dans les rapports que l'on peut avoir les uns avec les autres, et notamment dans l'administration, ou les relations que les élus peuvent avoir entre eux ou avec l'administration, de manière, je dirais, quasi pavlovienne, c'est la référence du grade qui l'emporte. Et plus vous êtes petit, bas dans la hiérarchie, et moins vous vous sentez légitime à vous exprimer. Ce qui, évidemment, n'est pas juste. Et inversement, quand vous avez donc celui qui est en haut de cette pyramide qui s'exprime, s'il n'a pas avec lui le tonus, l'épaisseur de ce qu'il raconte, il n'est pas cru. Je vois très clairement, en fonction des relations qu'on peut avoir avec les préfets, par exemple. Je suis maire depuis longtemps, hein, très, trop, et j'ai pu voir une diversité de préfets. Je me suis rendu compte que les relations que l'on peut avoir avec le préfet dépendent au-delà de son titre, c'est-à-dire une fois que vous l'avez rencontré deux ou trois fois, en fonction de qui il est. Voilà. Donc cette dimension humaine, hein, cette dimension de l'expérience, c'est certainement un ingrédient très très fort, peut-être plus important encore que celui du statut. Monsieur Thibault, je vous laisse la parole. Oui, alors, je pense que c'est effectivement une question majeure et qui se pose aux différents fonctionnaires de l'État dès lors qu'ils, non seulement qu'ils sont en posture classique d'administration centrale, mais aussi qu'ils descendent sur le terrain, où ils sont confrontés à cette légitimité dont on parlait à l'instant le maire de Gargilès, qui est le suffrage universel et la désignation par les habitants de représentants. Et alors, les agents de l'État, ils arrivent là, et qu'est-ce qu'ils ont comme discours pour dire qu'ils ont un certain intérêt dans le dialogue et dans le débat? Classiquement, l'État, avec beaucoup d'outrecuidance, dit, mais moi je vois plus loin que des contingences électorales de 5 ou 6 ans selon les élus. Moi je suis là longtemps, enfin, même si après tout les gouvernements peuvent aussi se succéder, éventuellement se succéder avec des postures politiques différentes, mais globalement quand même avec une certaine ligne qui est à peu près commune depuis plusieurs décennies. Donc plus loin, bon, admettons, au-delà des limites. L'intercommunalité, même un département, une commune, il y a des communes voisines, il y a des régions voisines, il y a des départements voisins. Donc, on est censé apporter une sorte de parole de la globalité du territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, il reste effectivement à le prouver. Il reste effectivement à ce que le discours concernant, je dirais, des politiques de long terme et des politiques de grand territoire soit crédible, et pas simplement adapté à l'interlocuteur qu'on a et fonction véritablement de petites contingences locales. C'est pas facile, ça marche parfois, mais c'est vrai aussi que l'État a subi, on parle aujourd'hui au nom de l'État, hein, de ce qui me semble être une pratique de quelques décennies dans les services de l'État, et notamment dans les services de l'État local. Donc ce que je disais, c'est que Pendant des années, la légitimité de l'État était absolument incontestée. C'était l'État qui disait la vérité. L'État était l'aménageur du territoire, le créateur quasiment de la nation française et de la République, était celui qui bâtissait directement, était celui qui orientait les politiques. Et puis bon, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas forcément d'une extrême solidité, et il y a eu les années 80, les lois de fer, qui ont dit maintenant, la légitimité localement, ce sont les élus. À partir de quoi, ce bouleversement total dans les habitudes et dans les manières de penser des collègues, leur ont fait dire que finalement tout ceci désormais n'était plus leur affaire. Et que l'État, après avoir été totalement impérial, devenait modeste. Il est resté quelques îlots sur le patrimoine, sur les risques, sur des choses comme ça, où là, pour le coup, le grand coup de balancier installant les élus comme légitimes sur leur territoire, avec quelques amodiations, quelques nuances qui étaient parfois mal vécues par les élus. Quand on disait, monsieur le maire, monsieur le président, vous avez le pouvoir, mais en même temps, la petite église qui est là, vous n'avez pas le pouvoir complet. C'est un peu difficile à comprendre. parfois difficile à gérer. Et donc l'État, depuis 82-83, essaye de se retrouver une posture qu'on a d'abord appelée l'État dit régalien. L'État fixe des règles et les fait appliquer. Comme l'État n'est pas Dieu le Père et ne voit pas tout, ne ressent pas tout, s'il se contente de dire je suis le garant du droit, il va avoir des surprises parce que le droit ne sera pas appliqué forcément dans tous les petits secteurs. Et donc si l'État ne se dote pas d'alliés locaux et n'établit pas un consensus sur l'application des règles, les règles ne seront pas appliquées dès lors que l'ABF ou dès lors que l'inspecteur des installations classées ou je ne sais trop quoi aura le dos tourné. Donc nécessité d'aller au-delà, une sorte de légitimité de posture qui soit appuyée sur le droit. Et donc de faire vraiment des choses. Et l'État, me semble-t-il, d'autant plus que l'État aujourd'hui a moins de moyens financiers, donc de personnel, et qu'on réduit encore aujourd'hui les différents corps d'inspection localement institués. Donc c'est un peu ennuyeux. Et si on ne réussit pas à avoir cette négociation de culture et de bien commun avec le territoire, pratiquement les choses vont se déliter. Et l'État est en train, me semble-t-il, mais tu conviendras après, de s'inventer une autre posture, qui est une posture de, on pourrait dire, d'État certificateur. L'État présent dans une manière de démarche qualité sur certains territoires. Et l'État, aujourd'hui, suscite parfois des projets, pas toujours, parce que je veux dire qu'il y a des projets qui sont suscités, portés très haut souvent, par des élus locaux et par des acteurs locaux. Mais l'État essaye soit de susciter des projets quand il n'y en a pas, quand l'initiative n'est pas au rendez-vous, ça peut arriver, parce que c'est vraiment le facteur humain qui est décisif, ou bien de garantir finalement que ces projets sont bien des projets intéressants. Alors, il les suscite par des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt de toute nature, qui commencent un peu d'ailleurs à galver un petit peu le territoire de ces multiples appels nationaux. Et peut-être de manière plus intéressante, il labellise. C'est-à-dire qu'il dit ce territoire a la qualité de. La qualité, par exemple, de parc naturel régional. Initiative locale, mais à la fin, il y a un décret qui dit ce territoire est un parc naturel régional. Les grands sites de France, décision ministérielle, qu'il y a bien un projet de territoire de développement durable autour de la problématique compliquée de la surfréquentation touristique. Dans ce territoire, alors ça malheureusement c'est un peu disparu, mais c'est dommage, il y a bien un agenda 21, c'est-à-dire une participation des citoyens pour définir une série d'actions allant dans le sens du développement durable. Voilà, j'arrête là, mais je pense qu'il y a j'ai ressenti vraiment sur le terrain cette espèce de grand traumatisme où l'État, qui était totalement sûr de lui, éventuellement dominateur, se retrouvait remis en cause dans sa légitimité et essayait de s'en inventer une nouvelle. Est-ce que ça marchera ou pas, j'en sais rien. On y travaille. Merci beaucoup, Monsieur Thibault, pour clore ce premier tour de table sur cette première thématique. Comme le temps un peu nous presse, je vous propose d'aborder la seconde thématique qui est centrée sur l'usure actuelle et constatée, que vous avez d'ailleurs tous les quatre abordé de manière explicite ou implicite, l'usure de la légitimité et la crise peut-être des valeurs à laquelle la société adhère. L'hypothèse que nous posions était que la légitimité est un construit social qui n'est jamais définitif ni universel. Madame Marinier, vous aviez apporté une forme aussi d'interrogation sur ce côté non pérenne finalement de cette approche des légitimités, et un construit résultant de compromis eux-mêmes fruit de bricolage en quelque sorte, c'est-à-dire d'adaptation des groupes des individus à cette notion. Alors je pense aux ordonnances pour la loi travail, je pense à la verticalité d'un État jacobin qui retire des pouvoirs aux communes, et parmi les communes peut-être les plus vulnérables en matière fiscale, les communes rurales. M. Berberian pourra certainement nous en dire sur cette approche de dépendance, mais aussi de nécessité d'émancipation des communes. M. Thibault venait aussi d'alimenter cette question. Comment on peut aborder actuellement à la fois l'usure et la crise des valeurs, mais aussi l'émergence de réponses qui se confrontent à cette question des remises en cause des légitimités pour le syndicalisme, Madame Sally, comment vous pouvez nous présenter ça, ce phénomène de résistance, de réappropriation de certains territoires revendicatifs qui n'étaient pas explorés par la CGT, je pense au développement humain durable par exemple, hein, qui est un grand repère revendicatif actuel de la CGT. Je prends le micro parce que j'ai une petite voix. Voilà. Oui, c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure 1884 syndicats. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant cette date, l'organisation est légitime par la loi syndicat, mais avant ça, la légitimité de pouvoir s'organiser entre travailleurs pour défendre leurs intérêts en termes de conditions de travail, de rémunération, etc. Aujourd'hui, on en est encore là, et s'ajoute plus particulièrement la vie dans la société également, et notamment de plus en plus, effectivement, ça fait plusieurs années que l'aspect, donc on appelle ce concept dans la CGT développement humain durable, qui fait écho au développement durable, bien que la définition développement durable contienne le mot humain, mais nous avons dû insister sur le développement humain durable pour ne pas perdre de vue qu'effectivement, il y a la question environnementale, mais aussi la question sociale. Pour nous, les deux questions ne peuvent pas être décorrélées. Et donc, des fois, ça fait sourire parce que la définition intrinsèque, comme je disais, contient le mot humain. Mais bon, c'était pour réaffirmer ces deux volets-là. Alors, effectivement, il y a eu des réformes territoriales, des ordonnances Macron plus récemment, des réformes du Code du travail qui font que, au niveau du syndicat, les choses évoluent, les lieux de décision changent. Les ordonnances Macron, par exemple, concentre les négociations dans l'entreprise, alors que paradoxalement les syndicats sont dans très peu d'entreprises, dans les grandes entreprises, par exemple la CGT est présente à plus de 80% dans les entreprises de plus de 100, mais dans les petites entreprises on est maximum à 6-10%. Donc on voit bien que la négociation dans l'entreprise, ce choix là finalement va priver des salariés de droits garantis collectivement, que ce soit au travers du Code du travail ou des conventions collectives, où des négociations sont en cours dans les branches actuellement. Au niveau du territoire, là aussi, les réformes territoriales, sous couvert de réduire le millefeuille, finalement, en créant à multidimension, je dirais, de nombreux lieux en fait sont créés, ou des instances, pôles de compétitivité, communautés de communes, grandes régions, etc., où finalement il est de plus en plus difficile en tant que salarié et non moins citoyen de pouvoir avoir une expression proche des préoccupations locales. Si l'on prend aujourd'hui notamment le cas des grandes régions, pour les très petites entreprises, il a été créé des commissions paritaires interprofessionnelles régionales où seulement 10 élus pour grandes régions doivent représenter tous les salariés des très petites entreprises. Pour nous, c'est un système totalement inefficace de représentation. Quand au début de mon propos, lors de la première question, je disais que pour nous, la légitimité devait tenir compte de la proximité des attentes des salariés. Là, nous en sommes très loin. Donc voilà. Alors, effectivement, il y a de nouveaux cadres institutionnels qui s'installent, qui sont à l'image de ce qui peut se passer au niveau de la mondialisation, des grands groupes et des lieux de décision qui se déplacent. Donc, nous, notre stratégie aujourd'hui, effectivement, c'est de favoriser en dehors de ces cadres, la proximité avec les salariés, dans les entreprises, avoir un syndicalisme plus militant, proche des salariés que d'élus, puisqu'effectivement, le dialogue social est aujourd'hui remis en cause, la démocratie sociale également, et aussi à créer des projets, ce qu'on appelle des projets, mais ces projets revendicatifs, territoriaux ou de filières. Nous menons plusieurs campagnes, notamment en termes de reconquête industrielle, développement des services publics, écoute du capital, parce que pour nous, toutes ces politiques publiques sont liées aux questions du financement et donc la répartition des richesses. Et du coup, on est sur des projets, par exemple industriels, qui posent la question environnement, qui des fois est en conflit sur certains territoires. Je pourrais l'évoquer plus loin éventuellement. Des fois, c'est en opposition ou pas avec des organisations environnementales, puisque notre approche, c'est de la réponse aux besoins des populations et se poser la question, effectivement, est-ce que la question environnementale, on l'aborde de manière locale ou dans une réflexion nationale. Si je prends ne serait-ce que la question des matières premières, et en fait, c'est un débat qu'on devrait avoir dans la société. Aujourd'hui, par exemple, sur la question des mines, je prends un cas concret. On importe beaucoup de matières premières quand, finalement, elles sont extraites ailleurs dans des conditions sociales et environnementales. Donc, effectivement, dans la perspective de relocalisation avec des circuits courts de l'activité, on pose la question de relocalisation de mines et est-ce que c'est incompatible avec les notions d'environnement, protection de l'environnement. C'est des questions qu'on aimerait poser à grande échelle dans des débats contradictoires, mais dont on a du mal à avoir des prises de parole de manière globale, mais localement, on y arrive quand même justement, parce que les projets que nous portons sont locaux, même si on essaye d'avoir une approche nationale pour avoir une cohérence du système de production biens et services. Monsieur Berberian, vous voulez... Oui, faire le lien avec ce qui vient d'être dit. D'abord, j'observe que très vite, une fois qu'on a parlé de légitimité, on a passé sur la question du pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une corrélation très très très rapide. Et puisqu'on parlait de décentralisation, on a peut-être voté des lois qui allaient dans ce sens-là, mais on n'a pas voté des lois qui faisaient changer la manière de penser. Et là, il y a quand même un problème, quoi. C'est-à-dire que l'État s'arroge une légitimité qui va bien au-delà de ce qu'elle représente, ce qu'il représente réellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les choses deviennent un petit peu compliquées et que l'État est de moins en moins entendu. Il y a vraiment un problème d'adéquation entre la manière dont les choses fonctionnaient il y a 20, 30, 40, 50 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Le mode d'organisation n'a pas changé. Les mentalités de certains n'ont pas changé. On le voit même dans le protocole, par exemple. Quand vous faites une immigration de n'importe quoi dans une commune, d'abord, chaque financeur va avoir ses 10 minutes, donc ça n'en finit plus de finir, le truc. Et puis, le dernier qui a la parole, c'est le représentant de l'État, c'est le préfet. Voilà. Et bien ça me scandalise. Je vois pas en quoi le représentant de l'administration parle le dernier. Pour moi, c'est le représentant du peuple qui doit parler le dernier, donc le député. À défaut, le sénateur, s'il n'y a pas de député, ou le maire, mais pas le encostumé, vous voyez. C'est pas... Voilà, je suis un peu comme ça, agacé, mais ça veut dire que l'État, encore une fois, a énormément de mal à se réformer. Vous avez parlé des architectes des bâtiments de France, et je reviens sur la question de la compétence. Effectivement, c'est pas parce qu'on est maire qu'on est diplômé en architecture ou en bon goût. Et donc, puisqu'on parlait de compétence tout à l'heure, le fait qu'il y ait quelqu'un qui parle au nom de tous et de l'intérêt général, c'est plutôt une bonne chose. Sauf que quand vous voyez se succéder des architectes des bâtiments de France dans les départements où celui qui vient dit le contraire de ce qu'a dit son prédécesseur, ça pose quand même un problème au niveau de la crédibilité de l'architecte des bâtiments de France. Quand vous avez des commissions départementales, vous avez, alors que ce soit en matière de gestion de l'espace, de services publics ou d'organisation des commerces, etc., ou commission des sites, par exemple, et que vous vous rendez compte que les représentants de l'État ont un droit de vote identique à celui de l'élu, je ne comprends pas. Voilà. Pour moi, le représentant de l'État vient, apporte une expertise, une connaissance, donne son avis. Ce sont des éléments de réflexion que l'élu va intégrer et c'est l'élu qui va se prononcer. Parce que qui est responsable, in fine, devant les citoyens? Ce n'est pas le fonctionnaire, c'est le maire, enfin l'élu. Voyez. Donc tant qu'on n'aura pas un peu bousculé ce sujet-là, on aura du mal et les choses vont s'effriter. Et puis je rajoute une autre chose pour être tout à fait impertinent. Il y a quand même une consanguinité entre les politiques et les représentants de l'État au plus haut niveau. Ce sont les mêmes, ils sont formatés de la même manière. Et ils passent allègrement d'une responsabilité de parti à une responsabilité ministérielle. C'est les mêmes. La question, c'est de savoir qui dirige le pays. Est-ce que ce sont les élus avec leur imperfection ou est-ce que c'est l'administration, hein, d'État, puisque... Voilà, à qui on demande d'avoir une vision globale, mais qui ne peut pas décider à la place des autres. Voyez. Et pour finir sur ce sujet des collectivités, c'est là aussi on voit que ces dimensions-là sont quand même éminemment psychologiques. Vous avez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure cette difficulté, vous avez une forme de complexe où celui qui est le plus bas de l'échelle va avoir un complexe par rapport à l'autre. Je suis désolé, il n'y a pas une région qui soit supérieure à une autre. Il n'y a pas une collectivité qui soit supérieure à une autre. La Constitution dit trois niveaux de collectivité. Commune, département, région. Et c'est pour ça que quand on rajoute les comités de communes, etc., etc., on fait un abus de langage, un abus de compréhension, et on enfume les citoyens qui, effectivement, ne comprennent pas parce que ça devient compliqué. Quand on vous dit qu'il y a trop de collectivités en France, c'est faux. Il y en a trois, commune, département, région. Et la Constitution dit bien qu'il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Or, dans l'état d'esprit, eh bien, les élus, quand ils sont conseillers régionaux, se pensent supérieurs à l'élu local. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'élu départemental n'est pas inférieur au régional. Et ça, si vous voulez, on va continuer dans cette direction, dans ce point de pensée, parce que les derniers débats qui ont eu lieu sur la réforme territoriale, on dit les choses de manière plus ou moins évidente, mais elle le disait quand même. Il y a trop de collectivités, on va en supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer l'échelon communal et le remplacer par l'échelon intercommunal. Et on va supprimer l'échelon départemental et on va renforcer l'échelon régional. Donc ça, c'est bien une manière de voir l'organisation administrative du pays dans un sens très très précis. On affaiblit l'échelon de proximité et on renforce le pôle supérieur de responsabilité. Eh bien, c'est une erreur. Parce que la France, elle est très très diverse dans sa configuration. Et c'est pour ça que, si on ne prend pas, on en parlait un peu tout à l'heure, davantage en considération la géographie, on n'arrivera à rien. Donc, chacun a sa place. Je pense que c'est clair. Madame Ozouf-Marinier, je pense que ça interroge aussi un certain nombre de vos publications sur les trajectoires très longues dans l'histoire des circonscriptions. C'est nouveau, cette crise de légitimité? Ça s'est déjà produit. Je pense qu'il y en a eu. C'est justement, oui, peut-être là-dessus que j'aimerais intervenir en faisant un détour par l'histoire. Il y a toujours eu des crises de légitimité. Et je voudrais réagir sur le terme usure que vous utilisez dans votre proposition de thème de débat. Il y a une usure, mais en même temps, l'avènement d'une nouvelle légitimité n'annule jamais les légitimités précédentes. Et c'est tout à fait le cas, pour réagir sur ce qui vient d'être dit à propos de l'État. L'État garde sa légitimité parce que on est dans vraiment le cas d'une pesanteur des mentalités, des structures qui font en sorte que, malgré tout, la légitimité de l'État demeure entière, même après le passage des lois de décentralisation et de bien d'autres réformes. Alors, pour expliciter un peu ma perspective donc historique, je dirais que déjà, il faut savoir que l'apparition d'une légitimité locale, ça a demandé beaucoup de temps et c'est vraiment quelque chose dont on peut retracer la genèse dans un long débat hein, qui démarre à la Révolution française et qui se poursuit jusqu'à nos jours, mais c'est quelque chose qui a été une conquête. Cette légitimité locale, on la voit donc se défendre sous la forme donc d'une revendication en faveur de la décentralisation qui naît très tôt et qui va défendre un échelon du local qui va pouvoir varier, ça va pouvoir être pendant un temps la commune, par la suite les intérêts vont se regrouper plutôt au niveau cantonal ou au niveau de l'arrondissement, et puis à la fin du 19e siècle on voit apparaître la région et toute cette discussion sur la pertinence d'un échelon local se poursuit, comme on le sait bien, avec des argumentaires qui ont varié dans le temps, qui ont suivi l'évolution du monde socio-économique, le développement des communications, etc. Donc, on a à chaque fois étayé, je veux dire, une revendication d'ordre politique en faveur du local sur un discours qui était... pas toujours scientifique, mais qui pouvait être savant. Et donc, c'est une conquête hein, de trouver une légitimité à l'échelon local. Au XIXe siècle, on parlait du bien fondé de la spécialité. C'est-à-dire, il a fallu beaucoup de temps pour que on fasse prendre conscience aux gens qu'il y avait autre chose que l'intérêt général et qu'il y avait l'intérêt général qui était à l'époque l'intérêt national et qu'il y avait des intérêts locaux et qu'ils méritaient d'être respectés en tant que tels. Peu à peu, donc, s'est imposé ce bien fondé du local avec définitions qui peuvent s'entremêler. Le local, ça peut être le petit par rapport au global, ça peut être le particulier par rapport au général, et ça peut être le proche par rapport au lointain. Et donc, encore une fois, on peut suivre très très bien cette genèse lente et difficile, parce que malgré tout, l'État s'est quand même toujours imposé. Alors, aujourd'hui, on est dans quelle situation ? Ben, on a une démultiplication de cette légitimité du local à un niveau vertical, puisque donc on a cette stratification, comme vous le disiez, des tâches qui peuvent revendiquer tout aussi légitimement leur autorité depuis la commune jusque... à la région et donc à l'État, en passant par les échelons intermédiaires. Mais on a également une démultiplication au niveau horizontal. Et ça aussi, je pense que c'est une crise. Enfin, on va peut-être pouvoir enchaîner avec le troisième volet sur le trouble de légitimité. Cette démultiplication au niveau horizontal, ça veut dire que... c'est pas simplement maintenant le citoyen et l'élu qui sont légitimes au niveau donc du dialogue avec la légitimité d'en haut. Cette légitimité d'en bas, elle se décompose entre la légitimité de l'élu, du citoyen, de la société civile, des acteurs privés, des groupes d'intérêt et de pression, des usagers, c'est une nouvelle catégorie. sur laquelle je pense il faut beaucoup s'interroger maintenant. L'usager se substitue bien souvent aux citoyens sans compter la présence des techniciens et des experts. Et on a des situations où tout ce monde-là se retrouve autour de la table et fait valoir une légitimité de parole, une légitimité d'action, une légitimité d'argumentation, ce qui produit donc un ensemble qui est en quelque sorte brouillé, mais aussi un ensemble où la légitimité n'est beaucoup moins qu'avant celle de la loi et celle de l'autorité et de la décision, mais c'est une légitimité de la négociation. Donc voilà, pour dire que les choses se produisent progressivement et évoluent considérablement, sans pourtant annuler la légitimité traditionnelle, celle effectivement qui procédait du pouvoir de l'État. Monsieur Thibault, pour clore donc, cette deuxième thématique, je pense qu'on éliminera la troisième. Voilà. Je voudrais revenir vers moi. Non, c'est pas très facile parce que c'est effectivement pas mal foisonnant, mais je dirais qu'il y a une sorte de mouvement né dans les années 60 peut-être qui tend à faire intervenir le citoyen de base dans l'intervalle des rendez-vous démocratiques et qui de ce fait revendique une légitimité qui peut être une régénération de la démocratie par la participation de tout le monde, y compris d'ailleurs des acteurs et pas simplement des citoyens. On va y revenir avec le processus Grenelle, qui était un moment, je crois, intéressant de cette tentative de fédérer l'ensemble des capacités d'action sur un territoire global ou local. Mais dans le même temps que se produit cette demande citoyenne forte, dans le même temps, il me semble, et je pense que mon voisin l'a parfaitement dit, qu'il y a un mouvement contraire qui tend à éloigner le citoyen du centre de pouvoir élu. L'élu devient de plus en plus lointain par rapport au citoyen. Un citoyen d'une métropole ne voit jamais son président de métropole. Ou alors de loin, ou alors dans une audience compliquée. Alors qu'il était possible, encore récemment, de croiser son élu dans la rue. C'est de moins en moins vrai. C'est quand même une préoccupation. C'est-à-dire cette espèce de retour de flamme de la centralisation consistant pour un préfet à redécouper le territoire départemental pour créer des petites choses qui font au minimum 15 000 habitants et avec un nombre, il a jugé finalement sur le faible nombre d'intercommunalités qu'il aura créées. Tout ça est étonnant. C'est son contrat. C'est son contrat. L'État lui avait dit, le ministre de l'Intérieur lui a dit, il faut absolument qu'il y ait moins d'interco. Et que ces intercours. La loi a été votée, c'est les 15 000 habitants, c'est les parlementaires qui l'ont dit. Hein. Ben oui. On peut rappeler qu'à l'origine, c'était 20 000 habitants. Oui. Au début, c'était 5 000, et puis après, dans le débat, il y avait 20 000, et puis ils ont fait tapis-tapis, allez, top là, 15 000. Oui. Sans jamais qu'il n'y ait aucune explication sur pourquoi 15 000 et pas 13 007 ou 18 002. Hein. C'est aussi 15 000. Il y avait des promos sur le chiffre 15 cette année-là. Ouais. Ouais. Effectivement, en méconnaissance en plus de la topographie, dans les vallées de montagne qui sont relativement isolées par plusieurs mois de l'année. Il y a des écorpions sur les intercommunalités. Oui, quand même. Il y a un peu de bon sens qui a prévalu. Mais bon, voilà, on est quand même dans un mouvement étonnant parce que d'un côté, on est à dire, mais il faut que le citoyen ait davantage de pouvoir en tant que citoyen, pris en considération parce qu'il a une certaine forme de compétence sur laquelle peut-être qu'on reviendra. Et puis bon, en même temps, il y a cette histoire parfaitement juste également de consanguinité, au moins de complicité intellectuelle, de complicité de formation de base entre ceux qui décident. C'est mieux dit. Voilà. Mais trois ou quatre grands corps d'ingénieurs, un grand corps d'administrateurs issus d'une certaine grande école, tout ceci fait effectivement que le débat s'appauvrit, puisque finalement les gens, de part et d'autre, des postures qu'ils occupent, et on peut ajouter d'ailleurs État, collectivité, grandes entreprises, oligopolistiques, de travaux publics ou de services, où d'ailleurs il y a des allers-retours assez fréquents, enfin, la consanguinité ne s'arrête pas au binôme collectivité-État, etc. Donc je pense qu'il y a quand même aujourd'hui des choses préoccupantes qui font que, dans le même temps où l'on tente d'enrichir le débat, de faire intervenir d'autres personnes, de faire intervenir le citoyen de base, paradoxalement, on éloigne le pouvoir de décision du citoyen. C'est quand même un vrai sujet de préoccupation. Parce que on ne pourra pas, dans l'état où se trouve aujourd'hui notre planète, et se trouvent les territoires composant notre planète et agir global, penser local, on ne pourra pas réussir cette transition nécessaire de nos modes de vie, de nos modes de production et de nos modes de relations sociales si on met en posture de prévalence à la fois une sorte de pensée unique et un système où la frustration finalement des citoyens par rapport à la décision qu'ils pensaient être la leur. Donc je crois qu'il y a vraiment un souci, c'est effectivement de l'usure dont on commençait à percevoir des modes de régénération, mais je ne suis pas certain que les grands décideurs aient entendu cette voix pourtant forte, très souvent, qu'ils ne soient pas un peu en train de ramer à contre-courant de l'histoire. Enfin, en disant ça, je méconnais totalement le devoir de réserve. On vous pardonnera, collègue. Vous nous raconterez, vous le direz, ça ne sortira pas de ces murs, voilà. Je souhaitais juste rebondir en quelques mots sur plusieurs des éléments que vous avez les unes et les autres apportés. J'ai envie de dire que du coup, en vous écoutant, je me dis que le combat pour la légitimité est violent. Est violent, mais il est épisodique. C'est-à-dire qu'il y a des moments de, entre guillemets, paisibles, dans les intervalles, c'est paisible. Et c'est là que, au fond, dans cet intervalle paisible, entre guillemets toujours, peuvent se définir des sphères d'influence, des signes d'existence, et aussi des critères d'appropriation. Et l'autre point, comme dans l'énoncé de cette thématique numéro 2, nous avons parlé de bricolage, en effet, il me semble que la genèse institutionnelle de la légitimité est effectivement le fruit de bricolage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, il me semble que les différents acteurs concernés, d'une certaine manière, construisent autour de ce qui existe, ils réinventent, ils travaillent autour, ils réinterprètent, ils recombinent, et ils recombinent donc des logiques et des arrangements institutionnels. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de compromis qui quelquefois peuvent être hyper boiteux, mais de compromis. Mais en aucun cas il n'y a de consensus. André, on peut lancer le troisième thème. Le temps nous presse, hélas. Et on croit qu'il est nécessaire de garder un temps de débat avec la salle. Oui. Hein, donc, en troisième thème, le troisième thème, nous l'avons intitulé « Légitimité et trouble de légitimité ». En ce sens que nous avons pu, tous les deux, en construisant ces thèmes, remarquer que, finalement, les politiques publiques souffrent évidemment d'inefficacité, mais avant de souffrir d'inefficacité, elle souffre d'un trouble de légitimité. Alors, comment comprendre ce trouble de légitimité? On pourrait dire que ce trouble peut être entendu comme désignant simultanément le fait qu'il y a hésitation sur les univers de justification auxquels il convient de référer les problèmes en question, et il y a aussi déficit d'élaboration des enjeux qui sont soulevés par ces problèmes au sein de chacun des univers. Alors on peut évidemment se demander est-ce que cela relève de contradictions internes ou endogènes, et ça a déjà été abordé, entre un jacobinisme vertical, qui serait la posture centrale de l'État, de ses fonctionnaires, etc., et par ailleurs les corps intermédiaires, les territoires, les élus et aussi les citoyens. Et cela a déjà été évoqué, on pourra y revenir néanmoins, dans le thème précédent. Donc on peut se poser la question, comment appréhender le déficit d'élaboration des enjeux? Ça semble un point véritablement central dans ce troisième point. Donc, je ne sais pas, Madame Sally. Oui. Alors déjà, par rapport à la question sur le trouble de légitimité et comment comprendre ce trouble, la lecture qu'on en fait, nous, tout à l'heure, il a été dit que le débat s'appauvrissait. Et nous, on peut dire qu'il est confisqué aussi. Et si on prend juste l'exemple récent et courant de la réforme ferroviaire, par exemple, où effectivement le gouvernement et quoi, le président décide de réformer la SNCF. Alors que les principaux intéressés, c'est-à-dire les cheminots, sont contre cette réforme. Donc, de manière globale, quand on réforme un pays, que ce soit en termes d'aménagement du territoire ou d'entreprise publique, etc., est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas rupture lorsque les principales personnes concernées sont contre ce qu'on leur impose? Donc je pense que, pour rappel, je ne sais pas si vous l'avez eu écho, il y a eu quand même plus de 61% les syndicats organisés un vote action dans l'entreprise, puisqu'effectivement le gouvernement et la direction de l'entreprise communiquaient allègrement sur le fait que ce conflit était juste une idéologie de certains syndicats, notamment la CGT. Donc les syndicats unitairement ont consulté les salariés et plus de 61% d'entre eux se sont exprimés, à plus de 90% contre la réforme. Donc ça, c'est dans le paysage. Et ensuite, débat confisqué, puisque le gouvernement proposait un projet, puisque la loi a été votée, et notamment la CGT a proposé un contre-projet. Et le syndicat proposait d'avoir un débat, justement, projet contre projet, ce qui a été refusé jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, quand je dis débat confisqué, je pense que je parle de la réforme ferroviaire parce que c'est l'exemple récent, mais sur beaucoup de sujets, on en est là. Et en fait, des réformes ou des politiques d'entreprise sont faites dans un sens qui accroissent les inégalités, où la santé est moins accessible, l'école elle est plus compliquée, tout un nombre de domaines auxquels les citoyens finalement n'adhèrent plus trop, voient qu'il y a un problème, mais finalement les lois qui se poursuivent vont dans le même sens. Et du coup, moi je poserais la question de la finalité des politiques publiques qui sont menées. Et après, chacun avec ses idées, on devrait pouvoir débattre dans la société de la finalité des choix politiques, des politiques publiques, parce qu'au-delà même de la structuration institutionnelle, je pense que c'est d'abord cette question-là qui doit être posée dans toute décision. Merci. Monsieur Berberian. Oui, j'aurais un point de vue un petit peu différent du vôtre, madame. Je pense que, puisque vous avez donné l'exemple de la SNCF, le premier intéressé, c'est pas le cheminot, c'est le voyageur. Et c'est sans doute une des faiblesses, si vous voulez, de notre système, qui est que les choses sont toujours trop cloisonnées et on parle entre soi. Les cheminots d'un côté, les enseignants de l'autre, les médecins dans un troisième. Chacun est dans sa catégorie, sans faire l'effort d'essayer de voir ce qui se passe devant, derrière, à droite, à gauche. L'exemple de la SNCF, il est très instructif. Je ne parle pas du statut des cheminots, qui est un sujet là qui, pour le coup, les concerne, mais celui de la réforme de la SNCF. Et je fais le parallèle entre la politique du chemin de fer, de la mobilité au niveau des chemins de fer depuis 60 ans, et ce qui se passe en termes d'aménagement du territoire. Pour moi, c'est exactement la même chose. On a couru vers le mythe de la modernité, on a développé la mobilité de métropole à métropole, on a oublié les voies qu'on appelle aujourd'hui secondaires, qui en dit long sur la perception de ces territoires. On a dépensé un fric fou pour faire le TGV, et voilà où on en est aujourd'hui. Eh bien, je trouve que ce que vit la SNCF aujourd'hui est emblématique de ce qui n'a pas été fait pendant 60 ans en France en matière d'équilibre et d'aménagement du territoire. Et la légitimité, on pourra la développer si effectivement chacun fait l'effort de sortir de sa case. Parce que tout le monde voit par rapport à son angle de vue. C'est le problème de l'intérêt particulier, de l'intérêt général. Tant qu'on va rester, parce que tous sont légitimes à exprimer une position, mais tant qu'on ne fera pas l'effort de décloisonner donc ces systèmes, on sera dans des situations comme ça de conflit. Et donc, il y a un sujet, donc, pour être plus précis, qui devrait être pris en compte, c'est celui de la géographie. Voilà. On raisonne en France comme si tout était identique, comme si les territoires étaient plats, tous. Comme si le nombre d'habitants était identique dans chaque département, dans chaque commune. Eh ben non, la France, elle est diverse. Et aujourd'hui, les maires ruraux, on se bat, parce qu'il y a un projet de réforme de la Constitution, pour faire en sorte que la notion de territoire soit incluse de manière, très, très concrète, dans la Constitution. Parce que le fait d'avoir un raisonnement qui ne concerne uniquement les habitants par rapport à leur nombre, sans penser que ces habitants ne sont pas en lévitation, ils sont sur un territoire, il va manquer quelque chose. C'est pour faire une rupture avec 60 ans, justement, hein, de forme d'aménagement où on a négligé la proximité. Vous faisiez tout à l'heure le rapport entre, effectivement, la distance et la capacité à agir. J'ai rencontré une maire de commune de l'Aveyron la semaine dernière, avec les 15 000, donc avant elle était dans une petite intercommunalité de 5 000 habitants, maintenant c'est 15 000 habitants. Le résultat, c'est très concret. Ça lui oblige à faire 1h30 de voiture, quand il n'y a pas de neige, pour aller à sa réunion de comité de commune. Bah, autant vous dire que si vous voulez exclure des territoires, c'est exactement ce qu'il faut faire. Avoir en permanence une maille énorme et vouloir mettre à tout le monde le même costume. C'est une hérésie, on n'est pas foutu pareil, on n'a pas la même taille, pas le même poids. Donc pourquoi est-ce que le mode d'organisation serait identique partout ? Voilà. Donc je crois que si on veut faire évoluer, avancer les choses, c'est de dire ben, peut-être qu'il faut se mettre autour de la table et regarder les choses. Les problèmes de carte scolaire, là, dans mon département, comme partout, à chaque époque, hein, il y a la redistribution de la carte scolaire. Chacun est dans sa case. Vous avez les représentants de l'administration de l'éducation nationale, vous avez les syndicats enseignants, vous avez les parents d'élèves et vous avez les élus. Ils sont tous sur le même sujet et chacun défend son bout de gras. Eh bien, tant qu'on raisonnera comme ça de manière cloisonnée, on n'y arrivera pas. On a la chance d'avoir un sujet qui est partagé par une diversité d'acteurs et si on ne trouve pas un consensus, si on ne trouve pas une direction commune à tout le monde, on va continuer à végéter. Et pourtant, pour la fermeture des salles de classe qui est à l'ordre du jour pour la rentrée prochaine, certains nombres de classes primaires vont fermer dans des communes rurales, ou pour un certain nombre de fermetures de petites lignes, pas de lignes secondaires, de petites lignes, là, il y a des convergences de lutte, pour reprendre l'expression de la CGT, entre, je le vis, je me permets de témoigner, entre des élus, des acteurs syndicaux, des citoyens qui sont très très en avant de ces luttes-là. Donc il y a aussi des formes d'alliances objectives, de démarches, aussi on pourrait presque dire des démarches revendicatives de territoire qui sont en œuvre aujourd'hui. Mais elles sont en parallèle. Des convergences d'intérêts. Elles sont en parallèle, elles ne sont pas institutionnelles. C'est vrai. Je prends l'exemple du CDEN, Comité départemental éducation nationale, nous dans le département de l'Indre, comme justement ça fait des années que c'est toujours la même comédie, on a décidé de faire un CDEN parallèle. Voilà. Le même jour que le préfet et l'inspecteur d'académie se rencontrent. Nous, on est ailleurs, tous ensemble. Ça pose problème. Mais il faut arriver justement à ce que le mode de fonctionnement soit reconnu de manière tout à fait officielle pour que les choses avancent. Est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas dire, du coup, parce que je vous sens tellement pessimiste... Non, je ne suis pas pessimiste, enfin, mais, manière de dire. Mais c'est mon tempérament de parler comme ça, donc... Non, enfin, pessimiste. C'est vrai que le mot est outré, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas... Ce sont des choses qui sont ressorties de vos propos, les uns et les autres antérieurement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de finalement d'abandonner tel ou tel terrain, peut-être par lassitude, je ne sais pas, aux actions de légitimation de certaines bureaucraties qui sont en quête de moyens nouveaux pour asseoir leur pouvoir ou leur autorité? C'est le risque. Je pense que c'est le risque, et je parle et après je me tais, promis. Vous avez pendant 60 ans deux partis politiques qui ont fait l'alternance. Un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Ceux qui étaient en embuscade, ils sont au chou. Le Front National, on n'en parle pas. Les écologistes, on n'utilise même plus le mot. Donc déjà, quand vous n'utilisez pas un terme, ça en dit beaucoup. Et donc, aujourd'hui à l'Assemblée, vous avez quoi? Vous avez une majorité composée de députés qui sont certainement très compétents dans leur domaine d'origine, mais qui ne connaissent pas grand-chose au reste. Et je peux vous dire, devant ce vide sidéral, que celui qui prend la place, c'est l'État. Il a toujours été très très présent, mais là, c'est plus que jamais. L'exemple, c'est la compétence eau et assainissement qu'on veut transférer de manière obligatoire aux intercos, sans savoir si c'est pertinent ou non. Donc là, il y a un vrai risque. Et il y a une confiscation de la démocratie. Et le plus grave encore, des gestions d'inondation. Oui. La GEMAPI. Madame Ozou. J'ai été assez longue tout à l'heure, donc je vais pas rajouter grand-chose, mais moi, je serais plutôt portée à faire un constat, hein, qui n'est pas du tout un jugement, que bon, la place de l'État, on l'a dit à plusieurs reprises, elle s'impose, mais il y a aussi d'autres acteurs dont la place me semble grandissante, et ça pose quand même des problèmes. C'est les groupes d'intérêt, les groupes de pression qui sont peut-être moins visibles certains territoires, je pense peut-être aux territoires ruraux, mais qui en tout cas dans les territoires urbains sont extrêmement puissants et font la loi, comme, entre guillemets, comment on peut le dire. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est un constat, hein, c'est pas du tout un jugement et encore moins une critique, mais c'est que maintenant, donc, on doit faire face à une forme de citoyenneté qui est celle qui s'exprime par le vote et qui est donc la citoyenneté classique. Et puis on a d'autres formes de citoyenneté, mais qui sont, je dirais, moins encadrées, plus impalpables. C'est la citoyenneté de ceux qui participent. Et la participation, c'est une sorte de monde un peu vague, qui peut être organisé d'un point de vue institutionnel ou qui peut ne pas l'être. Donc c'est celui qui est actif, disons, qui va se faire entendre, au dépend parfois de celui qui n'a pas la capacité à s'exprimer. Donc voilà, c'est encore une fois, je pense qu'il y a une légitimité qui est largement brouillée, ou des légitimités qui sont en présence mais qui ne sont pas forcément régulées. Et voilà, c'est un peu le constat que je ferais. Sans compter, je veux dire, la place qui est là aussi très, je pense, intéressante et bienvenue, parfois inégale, du débat public et de sa commission du débat public, de l'enquête publique. Qui agit dans certains cas, des grosses opérations, et moins dans des cas plus menus. Monsieur Thibault. Oui, c'est curieux, c'est qu'on a en fait deux mouvements contradictoires qui sont à l'œuvre en même temps et qui vont à un moment donné finir par rentrer en contradiction sûrement un peu violente. Il y a d'abord ce mouvement de démocratisation par participation des citoyens qui se développe depuis les années 80 et de manière inexorable. Et on a parlé de la CNDP, on a parlé des enquêtes publiques, mais une des dernières lois intéressantes qui a été votée dans ce domaine, c'est sur les quartiers difficiles. Alors, pour la première fois dans ces quartiers, on a inventé des conseils citoyens dont la moitié des participants sont tirés au sort. Depuis le jury d'assises, c'est la première fois qu'on institutionnalise un tirage au sort avec capacité de codécision ou de participation à la décision publique. Donc c'est pas rien. Et ça s'est fait en loi Lamy en 2014, je crois, en 2014, 2015. Et c'est vrai que c'est assez contradictoire avec ce mouvement qu'on vient de noter de recentralisation, de reconcentration des pouvoirs aux mains d'un certain nombre de gens qui pensent pareil. Comme, voilà, donc il y a un problème qui se pose entre l'inventivité citoyenne, qui a des cadres institutionnels qui se développent, et puis cette espèce de mouvement de confiscation et de recentralisation. Et la deuxième chose, c'est un mouvement, je dirais, de transversalité par rapport à un mouvement de verticalité. Le processus Grenelle, c'était une sorte de grande prise de conscience nationale avec des débats organisés un peu partout, et invention d'un système de légitimité à 5 qui était totalement inédit. Hein, techniciens, voilà, élus locaux, partenaires sociaux, ça fait 4, et mouvement associatif environnemental, ça fait 5. On avait une capacité de mettre en place les agendas 21 locaux et le national, des principes qui permettaient peut-être de sauver une humanité civilisée sur une planète finie. Une belle ambition. Embêtant, quand on est passé au texte de loi qui définissait, qui s'appelait les lois Grenelle, la loi Grenelle 1, ça allait à peu près, c'était encore des lois de principe. La loi Grenelle 2, c'était assez extraordinaire la manière dont chaque chef de bureau des ministères a fait son petit morceau de texte pour inventer sa propre procédure dite Grenelle. Et donc on a complètement parcellisé ce joli mouvement de globalisation de la problématique planétaire appliquée au niveau local par une série de lois sur lesquelles, du coup, les responsables locaux ne comprenaient plus rien puisque ça leur arrivait extrêmement parcellisé, extrêmement scindé entre des choses qui pourtant étaient souvent très, très corrélées quand on était sur le territoire. Et on a eu, nous, à traiter ça de plein fouet, en service déconcentré, quand on a essayé de faire comprendre aux élus que la trame verte et bleue, la stratégie de création d'air protégé, le schéma régional climat air énergie, le schéma régional éolien, très différent bien sûr, etc., etc., devait être appliqué avec une temporalité différente et avec des modes de concertation encore différents. Donc voilà, on est au centre finalement de deux contradictions un peu compliquées, et on espère que, évidemment, la démocratie et un point d'appui de la démocratie, il faut qu'on ait un projet sur le territoire, pourront quand même prévaloir. Mais on est un peu à la croisée des chemins et on ne sait pas aujourd'hui qui va l'emporter dans ce double mouvement. Bien. Oui, je pense qu'il est 11h30, donc on souhaitait pouvoir avoir un peu de temps d'échange avec la salle sur des jeux de questions-réponses. Donc, d'abord, je tiens évidemment à remercier. On aurait pu dire beaucoup plus, le temps nous est contraint et j'en suis absolument désolé. Simplement, peut-être rajouter une chose, c'est qu'un certain nombre de syndicats avaient proposé sur la réforme de la SNCF un Grenelle de la mobilité, ce qui aurait pu aussi au moins avoir le mérite d'impliquer des associations, peut-être de mettre à plat aussi les enjeux et les jeux de la relation complexe aujourd'hui entre le développement local et l'aménagement du territoire. Ça aurait pu être un processus vertueux qui, là encore, s'est confronté à la fois à l'urgence de la décision politique et à l'absence de débat. Puisque moi j'ai été, je dois l'avouer, un maire rural aussi pendant un certain nombre d'années de ma vie. Je regrette profondément, puisque nous sommes très en danger sur la fermeture de notre ligne, que ce débat sur la mobilité n'ait pas eu lieu, d'autant plus que, tragédie française, nous sommes dans une bio-vallée, la première de France, qualifiée comme telle, productrice de produits bio. À ce titre, je vous offrirai un vin bio avant que vous partiez, en vous remerciant de votre présence. Et on y voit juste une toute petite contradiction entre peut-être la fermeture d'une ligne ferroviaire et le fait de vanter l'existence d'une bio-vallée. Voilà, je ferme la parenthèse. Il y avait peut-être juste un dernier point que nous n'allons pas évoqué là, qui est quand même cette dimension européenne, mais on n'a pas le temps. Mais simplement pour dire qu'en fait, l'idée que l'on pourrait évoquer par rapport à l'échelon européen qui vient s'ajouter aux autres échelons, c'est qu'en même temps, on est toujours dans un système de subsidiarité, en tout état de cause. Et que de manière générale, en effet, on ne part jamais de rien. Vous l'avez dit aussi, ce qui a préexisté n'est pas complètement mort. Mais la question qui peut se poser avec cet échelon supplémentaire qu'est l'Europe et ses diverses commissions, finalement, il y a... Finalement, on peut se dire qu'il y a aussi bien des dépendances au sentier national, un sentier institutionnel, qu'en même temps, construction de nouveaux sentiers, peut-être plus européens ou alors carrément beaucoup plus locaux. Donc la complexité continue d'être au fond la marque de fabrique de l'ensemble de la situation. Voilà. Merci André. On passe aux questions. Nicole. Moi, disons que en regardant, y compris les uns par rapport aux autres, je me suis dit, je suis revenu un peu à l'idée des sources de légitimité, et je pense quand même qu'il y avait une certaine distinction entre vos discours, entre la légitimité qui viendrait du territoire, ou de la réforme du territoire, et de la conscience du territoire, et il y aurait une légitimité qui viendrait plutôt des gens du travail. Et c'est ce que je sens, par exemple, par rapport à ce qu'a dit Nadia Sali. C'est-à-dire qu'elle est finalement, on voit bien quand même qu'on est dans un moment où on peut interpréter la réforme de la SNCF, on la compare à la réforme territoriale, alors que très profondément, il ne s'agit pas d'une réforme territoriale, mais il s'agit justement d'une réforme qui va toucher les gens, qui va toucher les salariés, qui va toucher... Et donc, il y a en quelque sorte une distinction qui n'est pas pensée du point de vue de la légitimité, c'est-à-dire sur quel au fond, je me reprends au 19e, ce qui a fait la légitimité au fond des syndicats, c'est passé tout simplement parce qu'il y avait une queue pour accéder à un poste de travail, il y avait une queue longue, de sortir du chômage. Et aujourd'hui, effectivement, on a une grande queue de gens jeunes qui essayent effectivement de ne pas tomber dans le chômage, et disons, on ne pense pas tellement les questions de légitimité par rapport à eux. Voilà. Vous vous présentez peut-être. Michel Strait, anthropologue, membre du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de Clermont, directeur de recherche au CNRS. Je voulais intervenir par rapport à l'exemple du syndicat. En fait, l'activité syndicale, on repère bien deux versants, à la fois une recherche de légitimité par la représentation syndicale, élective, etc. Et puis, un autre aspect qui n'est pas assez dit, mais qui est pour moi très important, c'est un aspect de légitimité autour de la question des savoirs. C'est-à-dire que quand on contacte des syndicalistes, on s'aperçoit qu'ils ont une connaissance très très précise, très détaillée, très fine de la réalité de la vie quotidienne dans l'entreprise, y compris de ses enjeux économiques à un niveau local, national et international. C'est-à-dire que En gros, pour dire vite, il y a une connaissance des dossiers très forte. Et ça, c'est un atout, malheureusement, dans notre société, sûrement un petit peu dévalorisé. Et je pense là à la distinction que fait Max Weber entre le pays réel et le pays légal, où on a en fait une distinction qui renvoie à un combat entre la légalité d'un fait social et sa légitimité. Et la légitimité, elle est du côté, pour Max Weber, du pays réel, c'est-à-dire de ce qui produit, renvoie à des gens qui produisent des savoirs sur leur propre activité et puis qui les revendiquent pour un projet de société globale. Voilà. Donc je pense que ce conflit de... Enfin, cette question de la légitimité, elle renvoie à un conflit plus général autour de cette représentativité-là. Le meilleur exemple, c'est sûrement la loi travail, qui est décidée légalement par un 49.3 et de manière autoritaire. Et puis, face à ça, une connaissance réelle du monde du travail qui aurait fait, s'il y avait eu des négociations correctes, à mon avis, une autre loi aurait été conçue. Michel, on fait dans l'ordre. Monsieur, Non, Thomas, tu étais avant. Juste devant. Voilà. Allez-y, prenez le micro. Nathalie. Bonjour, donc, je suis postdoctorant à l'ADIS. Il y a une question en fait, un point qui me fait réfléchir sur la question de l'échelle. Je pense qu'il y a la dimension globale, c'est-à-dire que dans les projets, on va dire, d'aménagement de territoire, il y a une tendance de prendre en considération ou subir l'impact de, entre parenthèses, de la mondialisation. Si vous prenez, moi je travaille sur la question, en Tunisie, la question de légitimité, maintenant elle est fondamentale vu qu'il y a un processus qui se met en place où il y a on subit les standards internationaux en termes de décentralisation, de développement durable et tout ça. Et j'ai l'impression aussi, pour le cas de la France, vous avez parlé effectivement de l'impact de la politique européenne, du directeur européen, et qu'on a, j'ai l'impression que les territoires, maintenant, il y a une sorte de résistance puisqu'on subit des impacts, soit directs en termes de modèles qui s'imposent à l'échelle internationale. Si je prends la question de la mobilité, je ne pense pas que l'impact d'Uber en tant que modèle économique ou du numérique sur les questions de développement est absent, soit indirectement ou directement en termes à la fois du travail, en termes de tout un modèle économique et de mobilité qui... Voilà. Je ne sais pas... Qu'est-ce que vous pensez de cette dimension, on va dire, globale, où les questions de légitimité à l'échelle locale, elle est plus en termes abordée, je dirais, en termes de résistance à une standardisation, à un mouvement plus général. Voilà. Merci pour cette question. Je pense que chacun d'entre vous peut tenter d'apporter des éléments de réponse sur une telle question, puisque ça renvoie aussi au thème 4 qu'on n'a pas pu aborder. Donc, Madame Sally, vous prenez la parole. Oui. Donc, sur cette question, effectivement, les politiques européennes, mais je dirais même de manière internationale, les règles de commerce internationales, etc., en fait, font que localement, que ce soit dans les territoires au niveau national ou dans les boîtes par rapport à une gouvernance qui est internationale, je fais référence aux multinationales, il y a ce sentiment, effectivement, qu'on n'est pas maître des décisions et surtout sur à qui s'adresser pour porter une voix. Il y a ce problème-là. Alors souvent, effectivement, dans ces cas-là, on rentre en résistance. Et pour faire écho à l'intervention de tout à l'heure, localement, on défend des lignes au niveau syndical et des usagers parce que la question salariale, elle est importante pour nous, mais on est salarié et non moins citoyen, donc notre environnement compte également. Donc on n'est pas les uns à côté des autres, on essaye justement de plus en plus de nous ouvrir justement en dehors de la boîte. Et les élus locaux, eux-mêmes, sont en difficulté pour défendre leur territoire. Et des fois, ils sont mobilisés avec nous. Et par exemple, sur des restructurations, notamment de grosses boîtes, ils sont totalement impuissants. Et ensemble, on sollicite l'État, le gouvernement. et même des fois la Commission européenne, etc. Et donc, souvent, dans ces situations, on rentre en résistance, donc ça crée des conflits, et on essaye d'avoir une approche un peu plus offensive que juste résister, et c'est d'essayer de créer des solidarités et des convergences avec des travailleurs d'autres pays à l'échelle mondiale. Dans les multinationales, on essaie de créer un réseau syndical mondial par entreprise, parce que même si les réalités des territoires, donc là, nationaux, ne sont pas les mêmes, n'empêche, nous avons des directions communes et on essaye de dépasser les cadres dans lesquels on veut nous enfermer. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut-être on arrivera à mieux résister et plutôt être à l'offensive. Oh, ben juste un mot pour dire que effectivement tout ce qui s'impose au niveau global, donc par un processus qui est à nouveau top-down, est particulièrement difficile à analyser, parce que ça procède souvent processus dont on a du mal à trouver l'origine, dont on a du mal à identifier les acteurs, et qui aboutissent cependant à des choses extrêmement normatives et prescriptives. Et on peut, par exemple, en tant que chercheur, je me suis souvent fait la réflexion qu'il y avait un certain nombre de documents qui méritaient d'être analysés. Je pense, par exemple, en ce qui concerne l'Europe, tout ce qui est livre blanc, tout ce qui est texte de stratégie, un certain nombre de rapports. Et quand on les lit, on est frappé par ce caractère vraiment très normatif. Mais en même temps, on ne voit plus où est la légitimité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'attribuer, on ne sait pas d'où ça vient et à qui ça s'applique. Il y a un côté assez souvent abstrait qui se résume aussi à ce qu'on appelle les bonnes pratiques, autre thème sur lequel il faudrait pouvoir mener des recherches. Et voilà. Et donc, je pense que c'est un des grands problèmes, en effet. Là, je crois que le mot de résistance est juste, parce que vous entrez en résistance quand vous n'êtes pas en accord avec ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous impose. Et pour faire le lien avec la question européenne, je crois que on n'a pas suffisamment travaillé la question de subsidiarité, comme pour la réforme territoriale d'ailleurs. On a squeezé la réflexion en partant d'un postulat qui était qu'il fallait transférer, faire des économies d'échelle. Vous avez quelques mots comme ça un peu étonnants qui sont assénés comme des vérités, hein, sans que la démonstration n'ait jamais été faite d'ailleurs, et qui posent problème. Donc la difficulté, c'est que tous ces éléments-là sont utiles, ils sont tous justifiés, mais le fait de les mettre sur les mêmes sujets, ça devient très compliqué. Et c'est la question de l'échelle qui est importante. On ne peut pas regarder de la même manière quand on regarde une page comme ça, ou si j'étais à 3 km, je ne dirais pas la même chose. Et donc l'Union européenne, qui s'efforce de regarder jusque dans le détail, forcément, elle ne voit pas bien. Et on va nous imposer des choses qui ne sont pas adaptées au local. C'est pareil pour l'articulation commune-intercommunalité, à une autre échelle, mais le principe, le process est le même, hein. Vous avez un écosystème des collectivités. Les éléments donc qui étaient appréciés au niveau de la commune, une fois que c'est transféré à l'intercommunalité, si l'échelle n'est pas bonne, forcément vous avez des choses confuses et inadaptées. Donc décloisonner, passer à l'offensive, travailler véritablement la subsidiarité. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure vous disiez dans votre propos, on met un échelon supplémentaire. Le fait de dire la phrase de cette manière-là, ça veut dire que vous les mettez sur le même plan. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des choses qui s'ajoutent, ce sont des choses distinctes. Et encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faut que les limites, les objectifs de chacun soient bien déterminés. Sinon, il y a un rejet. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez dans les campagnes, vous leur parlez de l'Union européenne. Sincèrement, moi, je crains beaucoup le résultat des élections prochaines. Hein, parce qu'effectivement, quand on vous impose des choses qui vous semblent inadaptées et injustes, eh ben, vous faites de la résistance. C'est légitime. On va passer de la légitime méfiance à la légitime défiance, si ça continue. Et là, il y a une résistance positive, mais il y a une résistance qui passe par le repli sur soi aussi. C'est de la protection. La résistance, elle n'est pas forcément productrice d'une évolution positive. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser. Le rôle des mères est central. Aux causes. C'était ça ma question. C'est-à-dire qu'on donne trop d'intention pour les résistances. Il y a une attention qui est donnée à la question des réformes territoriales, etc. Et du coup, on en oublie les résistances fondamentales qui sont les résistances à la fois des citoyens et des salariés, c'est-à-dire de ceux qui finalement subissent au plus fort la question de ce qu'on impose, ce qu'on impose. C'est ça que j'ai voulu dire. Et j'ai voulu dire qu'on ne sait pas faire le lien entre territoire et citoyens ordinaires et gens ordinaires et salariés. On ne sait plus faire ce lien-là. Et ça peut être le repli identitaire auquel on assiste globalement. Oui, parce que précisément, toutes les politiques publiques sont finalement englobées, y compris la politique européenne. C'est-à-dire que la politique européenne est finalement essentiellement une politique européenne de territoire. Elle n'est pas une politique européenne pour la démocratie ou pour les citoyens. Non, ce n'est pas une politique pour les territoires. C'est une politique pour l'extrême métropolisation de tout. Quand vous dites rural au niveau de l'Union européenne, c'est traduit dans les 10 secondes comme agriculture. Eh bien, la ruralité, ce n'est pas que l'agriculture. Mais oui, mais voilà. Donc c'est un problème de culture, justement. Mais justement, donc elle est fondée sur une pensée du territoire. Et pourtant, une certaine pensée, la métropolisation, etc. C'est sur une pensée du territoire et pas sur une pensée des gens. Avant de passer la parole à M. Thibault, ça me permet juste de faire une insertion, puisque l'ADIS, avec l'Institut de recherche économique et sociale, a été lié à une étude que nous avons menée conjointement avec la CGT sur penser le syndicalisme dans le territoire et comment la CGT pense de nouvelles approches revendicatives dans les territoires. Et à cette occasion, un économiste, Henri Jacquot, je fais cette insertion, expliquait très bien comment les concepts d'aménagement du territoire après la Seconde Guerre mondiale, globalement après 1945, étaient fondés sur la notion d'efficacité équité, c'est-à-dire efficacité, industrialisation, urbanisation, mais équité, et comment aujourd'hui le couple dominant, c'est la métropolisation, mondialisation. Et je trouvais que la formule était assez intéressante. Et pourtant, ce qui a fait, à un moment donné de notre histoire, aimer un peu l'Europe, quand même, ou même croire à cette idée de continent apaisé suite au grand conflit, c'est un truc qui s'appelle le FEDER, bon, pour le développement régional. On le considère aujourd'hui comme quelque chose d'un tout petit peu encombrant. Bon, dommage, parce que c'est ça qui ancre l'idée européenne dans les territoires. Même si c'est devenu horriblement compliqué de faire le moindre petit bout de dossier sur ce sujet-là. Mais enfin, voilà. On est en train de nous mettre au FEDER uniquement sur des pays de l'Est dont on connaît la grande vertu démocratique actuelle et la grande vertu d'accueil, tout ça. Bon, bref. Deuxième chose, et pourtant, 92, Rio, idée fabuleuse de mettre dans le même acte final d'une conférence internationale planétaire la conscience planétaire et la vision nécessaire de la globalité de notre planète et les systèmes d'agenda 21, c'est-à-dire de développement durable à l'échelle locale, avec participation, avec mélange de l'ensemble des thématiques. Donc, si on pouvait revenir à ces éléments-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, le développement du numérique nous permet de lier ces deux niveaux. Alors, ça peut révéler le pire et le meilleur, comme n'importe quel instrument. Mais il se trouve que cette capacité technique que nous avons de nous relier au reste du monde depuis, si possible, le moindre petit village d'une montagne ou d'une plaine, c'est quand même une capacité que nous avons de faire justement projet mondial et projet local corrélés. Qu'est-ce qu'on attend? Nathalie, on va être obligé de prendre, je suis désolé Thomas, on va être obligé de prendre la dernière question pour ne pas empiéter sur l'emploi du temps. Je crois qu'on tient à peu près. Oui, ça va être une réflexion très rapide sur ce couple que forme désormais. Alors, vous appelez ça l'État certificateur, d'autres avaient appelé ça l'État animateur auparavant. On peut dire aussi l'État contrôleur, hein, puisqu'il ne délivre pas qu'un certificat, il demande des évaluations permanentes de l'action publique. Donc, de ce point de vue-là, vous n'avez pas prononcé ce mot d'évaluation. Et à mon avis, ce couple qui était celui de ce sommet mondial de Rio, entre local et global, a finalement s'est transformé en un couple entre le contrôleur et l'animateur local, pour le coup, que sont à la fois les citoyens, les collectifs citoyens, et puis différentes parties prenantes à l'échelle locale. Donc je ne pense pas que ça soit contradictoire, ce mouvement de très forte participation, localisation, etc., et ce mouvement de contrôle très surplombant. Mmh. Oui, enfin, il faut aussi faire attention que l'un ne prévale pas sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre une posture de facilitateur et une posture de contrôleur. Non, mais je ne suis pas pour dire que c'est bien. Mmh. C'est juste un constat. C'est vrai que c'est un petit peu agaçant. J'espère que vous n'avez pas tombé dans ce travers ici, que dès qu'on participe à n'importe quelle manifestation collective, on doit à la fin, de manière quasiment en injonction, remplir une série de fiches d'évaluation permettant de savoir si un tel a été meilleur que l'autre et compagnie. Cette espèce de système de compétition généralisée est quelquefois extrêmement agaçant. Indépendamment du fait qu'on est paresseux et qu'à la fin d'un colloque, on n'a pas forcément envie de faire une page d'écriture. On n'y avait pas pensé. Thomas, la dernière question. Oui, justement, ça fait tout à fait bien. C'est quelque chose qui n'a pas été peut-être trop abordé, mais en fait, pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. On a des citoyens qui sont globalement incompétents pour parler à un État puissant ou à une Europe très puissante par rapport aux citoyens. On supprime, en fait, tout ce que vous représentez qui sont les intermédiaires, les déconcentrés, les collectivités, les syndicats, etc. Et en fait, le mouvement est là. Il n'est pas du tout contradictoire. Je ne sais pas si ça fait un peu bien aussi ce que j'ai dit avant. Moi, je réagis sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a une émergence conceptuelle de la démocratie technique. Alors, on ne va pas la tordre dans tous les sens qui sont issus des travaux de Calon de la Tour et de la Sèvre de Michel Serres, mais il y a aussi des groupes citoyens qui acquièrent une technicité de la compétence qui les met aujourd'hui au même niveau, le nucléaire, les OGM, les gaz de schiste, L214, etc., etc., on peut les... Hein, et qui les mettent aujourd'hui au même niveau que ceux que les savants. Ils sont bénévoles. Et ils donnent de leur temps. Et donc on ils sont extraordinairement organisés, oui, dans un nouveau rapport de force qui, à mon avis, aussi pose des nouvelles questions sur les fondements des légitimités au pluriel. Oui. Il y a un joli mot qu'on n'a pas encore utilisé ce matin, mais qui traîne dans pas mal de colloques de ce genre-là, qui est l'expertise d'usage. Hein, les experts avec la connaissance intime du territoire. Qui commence par les coins à champignons, qui, pour mettre en matière de biodiversité, et qui continue par le savoir du chasseur à l'affût, etc. Tout ça qu'on a beaucoup dédaigné, et qu'on commence à imaginer comme intéressant. Je pense que ça renvoie d'ailleurs à ce qui sera abordé demain. C'est vraiment le problème de qu'est-ce que l'expertise, qui est expert et qui est légitime pour être expert. Entre ceux qui sont des professionnels agréés, etc., des groupes de citoyens, comme tu viens de le dire, et qui connaissent leur dossier, qui n'improvisent pas, tout en étant des bénévoles, mais ils y vont à fond. Là aussi, il y a tout un débat sur les éventuelles confiscations d'expertise. Sans compter je vais être méchante, mais pas tellement finalement, ceux qui vont avoir un rôle de passager, qui vont tenir le rôle de passager clandestin dans tous ces processus d'expertise. Bien, mais nous sommes contre. Nous sommes. Je suis désolé. Bon, on prend la dernière question, Aline. Oui. Allez-y, dans les mouvements, effectivement, d'engagement citoyen, de bénévolat, etc., qui développe aussi une souffrance très importante. Des salariés qui coordonnent, on va dire, ces actions collectives, citoyennes, bénévoles, qui doivent assumer. Tâche, une attention, une action de soins assez importante et qui vivent une souffrance au travail phénoménale. Et que dans ces secteurs qui vont associatifs, etc., qui sont des formes de relais, d'une certaine sorte, politique publique, soit éthique, partagée, etc., de l'environnement, l'alimentation, se retrouvent à attendre de l'État des budgets pour favoriser ce qu'on appelle l'animation, qui aujourd'hui est devenue la cerise sur le gâteau, parce que partage des savoirs, un jeu de transmission des outils, etc., de formation aux politiques aussi. Et du coup, avec en plus des réseaux, moi j'ai dit le mouvement Terre de Liens, qui deviennent aussi des structures assez, assez importantes, avec une volonté d'horizontalité, mais rattrapée par la verticalité aussi. Il y a des rapprochements possibles, mais on est dans des phénomènes de résistance, d'un côté sur les croyances que les citoyens ont en l'État, etc., et puis la dépendance au sentier, comme on parlait tout à l'heure, de l'État et des schémas d'injecter, on va dire, de l'argent, des moyens, etc. Mais on est dans une complexité, et oui, il y a des citoyens compétents, mais ça reste quand même des choses très, très fragiles. Merci beaucoup. On souhaite vous remercier très chaleureusement avec André de votre participation à cette table ronde d'ouverture qui, je l'espère, a été posée pour... Enfin, c'était très foisonnant, mais je pense qu'on a pu en tirer quelques fils très constructifs. Et voilà, on vous remercie infiniment de votre participation.